La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Francis Bacon considérait le simple fait d'être né comme une chose particulièrement féroce. Et pourtant, il trouvait également scandaleux que sa vie puisse un jour prendre fin, lui qui se qualifiait volontiers d'optimiste. Né en 1909, en Irlande, il a vécu, selon la légende, avec dans une main un pinceau et dans l'autre un verre d'alcool, entouré d'amants et longtemps de sa vieille nourrice. Il est mort à Madrid, au pays de la corrida, en 1992, comme nous l'a raconté hier l'écrivain Yves Perret, qu'il a bien connu et a écrit sur lui. Demain, nous irons à Beaubourg visiter l'exposition Bacon en toutes lettres qui s'y tient jusqu'au 20 janvier prochain, avec Didier Ottinger qui en est le commissaire, ainsi qu'avec l'écrivain Yannick Hennel. Enfin jeudi, nous parlerons de deux amitiés littéraires du peintre anglais, Michel Léris et Jacques Dupin. Nous le ferons en compagnie de Pierre Villard ainsi que de Dominique Viard. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour tenter une monographie radiophonique de l'œuvre de Francis Bacon, nous sommes en compagnie de Philippe Dagen, professeur des universités, romancier, critique d'art, notamment au journal Le Monde. Il est également essayiste. Et 4 ans après la mort de Bacon, en 1996, il avait publié un livre consacré à son œuvre et sobrement intitulé Bacon dans la collection Repères contemporains des éditions du Cercle d'Art. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres. Il n'a rien à dire, il n'a vraiment au fond rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, si on pouvait parler de la peinture vraiment, on n'aurait pas la peine de faire la peinture. C'est un autre langage. C'est un langage qui touche sur les... avec une peinture, on sait tout de suite si pour vous ça... Si ça vous choque, ça vous excite. Mais... on ne sait pas, c'est pas une chose intellectuelle. C'est tellement difficile de parler de la peinture parce que c'est une autre langue. Alors on parle toujours autour de la peinture. On ne peut vraiment pas parler vraiment de la peinture. On est toujours très loin vraiment de la vraie peinture quand on parle. Dagen. Bonjour. Alors, c'est impossible de parler de la peinture, vous qui en avez fait votre métier. Je pourrais vous répondre, ce serait très élégant, que c'est parce que c'est impossible que j'en ai fait mon métier. Mais ce serait vraiment une fleur de rhétorique. Non, c'est amusant de commencer avec ces propos de Bacon, qui est tout de même probablement au XXe siècle l'un des artistes qui a le plus souvent et le plus longuement parler de sa propre œuvre. Il y a quand même, ma mémoire est bonne, 2 volumes d'entretien avec David Sylvester, et puis une quantité d'autres rencontres. Je pense que les propos que vous nous avez fait entendre étaient aussi, à certains égards, une manière de se défendre contre certaines manières de parler de sa peinture, qui probablement ne l'intéressaient pas beaucoup. Quand tu as parlé d'un tableau, donc, je pense que ça demeure possible. Est-ce qu'il a donné des clés pour comprendre sa peinture ou est-ce qu'il ne souhaitait pas justement l'expliciter trop? C'est une question plus délicate. J'ai envie de vous dire que d'une part, il a dit sur sa peinture, sur son œuvre, sur sa trajectoire, il a fourni des éléments qui, probablement pour certains d'entre eux, sont à interpréter avec beaucoup de précaution. Je pourrais peut-être en donner. Pensez qu'il brouillait les pistes. Ah oui, je pense que même quelquefois, il a assez ostensiblement nié des évidences. Il y a, pour citer un exemple assez flagrant, il y a dans l'exposition du Centre Pompidou un très bon montage d'extraits d'entretien. Dont un qu'il a réalisé à Michael Blackwood dans les années 70. Tout à la fin, dans la dernière salle de l'exposition. L'avant-dernière salle de l'exposition, absolument. Et il dit que le surréalisme, il en reconnaît tout à fait l'importance, mais que la peinture surréaliste ne l'a jamais intéressé. Or, on pourrait assez aisément, y compris dans l'exposition, donner des exemples qui tendent à prouver que ce n'est pas vrai, qu'il y a des éléments qu'on pourrait considérer comme presque proprement surréalistes, figures monstrueuses, hybrides, dans certains de ses tableaux, et que on aurait du mal à supposer qu'il n'a jamais jeté un œil ni à Yves Tanguy, ni à Salvador Dali, ni évidemment à Picasso. Donc, je pense que dans les propos de Bacon, il y a des éléments qui doivent être considérés avec une grande prudence. Alors pourquoi ne voulait-il pas être affilié comme cela? La réponse est dans le terme que vous venez d'employer. Mm-hmm. C'est d'une affiliation. Et il savait trop bien à quel point, à partir du moment où on pense pouvoir catégoriser un artiste dans une filiation précisément ou dans un groupe, il est en grand danger de perdre sa singularité. Et que c'était évidemment pour lui, et sans doute à tout à fait juste titre, insupportable. Donc, dans ce cas-là, le plus simple est probablement, pour ne pas avoir à s'expliquer davantage, de nier. Si j'ose dire, quand Bacon nie son intérêt pour le surréalisme, c'est un peu comme quand Picasso nie son intérêt pour ce que l'on appelle à l'époque l'art nègre. Il est bien évident que c'est faux, mais il est bien évident aussi que si l'on dit de Bacon c'est un artiste surréaliste ou si l'on réduit l'œuvre de Picasso à un rapport à l'Afrique, aux yeux de Bacon comme aux yeux de Picasso, on manque bien sûr, tout le reste. 95% de leur œuvre. Donc, on se défend. Alors, on peut prendre un exemple que vous prenez vous-même dans votre monographie, Philippe Dagen. C'est le tableau de 1975 qui s'appelle « Trois figures et un portrait », qui n'est pas forcément le tableau le plus célèbre de Bacon. C'est une toile un peu bizarre avec trois figures dans un espace assez peu défini. Et puis au centre, il y a une pseudo-photo qui pourrait représenter son ami Michel Léris. Mais ça pourrait être aussi bien Picasso, Masson ou Bataille. Est-ce que vous avez ce tableau en tête? Oui, absolument. Est-ce que, pour vous, il relèverait du surréalisme? Ah, ce n'est pas du tout à ce genre de tableau que je pensais. J'imagine que vous le citez parce qu'effectivement, aussi bien Masson que Bataille ou Léris peuvent d'une manière ou d'une autre être historiquement inscrits dans la proximité du surréalisme. Non, je pensais aux tableaux dans lesquels sans doute avec beaucoup de difficultés, Bacon, que ce soit à propos d'Eschyle, ou que ce soit à propos du tableau qu'il intitule « Oedipe et le Sphinx » d'après Ingres, il s'efforce de donner une forme plastique et visuelle à quelque chose qui serait, pour ainsi dire, à la fois de l'ordre de l'ectoplasme, de l'insecte, et dans lequel, le seul nom qu'il lui donne, mais c'est de manière au fond presque on pourrait dire, en passant, ce serait les Euménides. Mmh. Mais comment peindre les Euménides? Donc, c'est en ce sens-là que je dis qu'il a, en effet, avec le surréalisme, au moins à un certain moment, une conviction commune, c'est que ce qui est de l'ordre du purement psychique peut être inscrit dans une matérialité visuelle. Mais cela ne vaut que peut-être pour une douzaine de ses œuvres. Je prenais cet exemple parce que dans l'exposition, il y a et le déni de Bacon et la quasi-totalité des œuvres que l'on peut précisément opposer à ce déni. J'imagine que le commissaire l'a fait exprès. Donc le rêve, l'inconscient, c'est l'un des thèmes, l'un des sujets sur les tableaux de Bacon. C'est pas des sujets, pardon, mais ce sont des allez, sont des moteurs. Bacon ne préparait ses toiles naturellement, mais il n'y a qu'une quantité extrêmement réduite de dessins. Son œuvre graphique est à peu près nulle. Enfin, je veux dire nulle en quantité. Mm. Et c'est quelqu'un dont on voit très bien qu'il travaille dans une sorte de face à face, d'ailleurs très proche. Et à quelques dizaines de centimètres du tableau. Aussi parce que son atelier n'a pas de recul. Oui, mais enfin, c'est aussi parce qu'il décide de procéder de cette manière-là et il jette, il reprend, il efface, il enlève, il rajoute, il y a de l'huile, il y a du pastel, c'est tout un vrai travail de la matière et dans le moment de ce travail, auquel naturellement je n'ai pas assisté, auquel je pense personne n'a assisté, en dehors de l'artiste lui-même, quelles sont les forces qui le meuvent ? L'inconscient, le rêve, qui n'est au demeurant qu'une forme de l'inconscient, je les placerai plutôt du côté des forces qui le mettent en mouvement, plutôt que des sujets qui supposeraient que véritablement ce soit posé devant lui clairement. Donc, avec moi, je vois les tableaux. Dans un sens, ils tombent comme des... Les images tombent comme des... C'est ce que nous appelons en anglais « slides ». D'où il vient, je ne sais pas. Mais c'est de... Je ne sais pas si c'est... Quelqu'un m'a demandé hier si l'expérience de la vie était nécessaire, était importante. Mais ça, je ne sais pas. J'ai souvent pensé, si on est resté seul, dans une chambre toute sa vie, on ferait peut-être la même chose. Même la peinture intellectuelle ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est une sorte d'expérience intérieure qu'on ne sait pas même ce que c'est, qui fait, pour moi au moins, qui fait la peinture pour moi. Je ne veux pas, quand je parle dans cette façon, que vous pensez que je me pense tellement doué. C'est simplement que c'est une façon d'agir dans ma peinture. De Bacon, c'est une expérience avant tout intérieure. On rejoint ici le moteur qu'est le rêve, l'inconscient. Enfin, on ne sait pas très bien ce que c'est, nous dit Francis Bacon. En tout cas, ça n'est pas une chose intellectuelle. Ça, c'est une certitude. Au moment de l'exécution, au moment du geste, je pense en effet que ce n'est pas une chose intellectuelle, ou cela participe d'une vie intellectuelle, mais à l'intérieur de laquelle l'artiste est immergé, et dont il ne pourra éventuellement prendre conscience ou voir la direction qu'ultérieurement. Mais est-ce une expérience profondément différente de celle que, dans d'autres arts, on fait ? Pensez-vous que l'écrivain, au moment où il écrit, soit entièrement le maître ? Non, mais il doit y avoir des peintres qui élaborent intellectuellement avant de peindre directement sur la toile. Oui, ce qui ne signifie pas qu'au moment où ils élaborent sur la toile, ils soient exactement raccord avec ceux qu'ils avaient préparés. Peut-être que ceux qui exécutent, à tous les sens du terme, le mieux leur projet, sont ceux dont, au fond, les œuvres nous intéressent le moins. Donc il est immergé, finalement, dans une forme d'intellectualité. Il est aussi immergé dans son temps, et c'est vraiment, je crois, ce que vous avez voulu dire dans votre monographie, Philippe Dagen, que la peinture de Bacon racontait l'histoire contemporaine, racontait le XXe siècle. Est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui, plus de 20 ans après ? Je n'emploierai certainement pas le terme « raconter », que j'espère ne pas avoir employé dans mon livre. Elle participe de l'histoire contemporaine. Elle est à certains moments, sans doute, en particulier, c'est tout à fait flagrant dans les trois études pour le pied d'une crucifixion, qui est le triptyque de 1944, avec lequel il est apparu pour la première fois sur la scène artistique britannique. Elle est évidemment en étroite corrélation avec tous les événements auxquels il a assisté, mais c'est assisté au sens le plus large du terme. Ça ne veut pas dire être là. Vous savez, le sol de l'atelier de Bacon était recouvert d'une superposition invraisemblable. d'histoire et de revue historique. Donc, il n'a pas assisté au procès de Nuremberg. Cela n'empêche pas sa peinture de participer du moment Nuremberg, si j'ose dire, du XXe siècle. Donc, vous diriez, en revanche, que l'œuvre de Bacon réplique à l'histoire qui est l'histoire contemporaine au moment où il a vécu. Réplique, si l'on veut. Ça, je crois que c'est dans votre livre. Soit. Ne l'ayant pas relu, je vous fais confiance. Mais c'est une histoire qui, de surcroît, est une histoire très élargie. Vous avez fait allusion dans la présentation aux troubles d'Irlande. Il est vrai que là, pour le coup, il en a fait une expérience directe. Il est passé par Berlin, dans une période où Berlin était une ville qui a été d'abord, semble-t-il, extrêmement festive, qui a malheureusement assez rapidement cessé de l'être. Sans avoir participé à la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment assisté, il en a souffert. Il a commencé à peindre quasiment à ce moment-là, un petit peu avant. Mais... Ce qui est conservé de lui date de ce moment-là. Cela n'empêche que dans les années 30, en particulier la seconde moitié des années 30, il a commencé à réaliser un certain nombre d'œuvres. Et par la suite, ça n'a pas cessé. Parce que vous dites quand même, dans votre livre, qu'au fond, il commence dans les années 30, des peintures qui peuvent être interprétées, alors peut-être a posteriori, mais comme une sorte de réplique à un certain cinéma nazi, par exemple, à l'imagerie de Leni Riefenstahl. Le cinéma est peut-être, de ce point de vue-là, il le dit aussi souvent, et peut-être plus encore, en effet, que certaines formes d'art du XXe siècle. Du XXe siècle, pas nécessairement avant, ce qu'il stimule. Eisenstein et Buñuel contre Leni Riefenstahl, c'est un effet tout à fait flagrant dans son œuvre, y compris bon, le cri de la nourrice, enfin, des choses qui sont bien connues aujourd'hui, ou alors l'œil coupé enfin, du chien andalou. Ça, ce sont des images, et dont il disait d'ailleurs que, à ses yeux, le cinéma était... Presque une formule paradoxale. Le cinéma était capable de réaliser visuellement le cauchemar avec un degré d'exactitude et donc de conviction supérieur à la peinture elle-même. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans la peinture de Bacon un contre-feu à toutes les mythologies justement que parfois le cinéma apporte aussi, et en particulier l'imagerie nazie? Oui. Si vous pensez à la destruction des corps, au caractère caricatural, ou si vous pensez à l'idée de la boucherie, qui quand même est consubstantielle au XXe siècle, oui. Quand vous dites la peinture de Bacon, c'est écarter les faux-semblants et les images leurres, oui, c'est ça? Oui, parce que je pense en particulier à certains tableaux dans lesquels on pourrait percevoir comme une espèce de fantôme de grandes compositions monumentales qui sont généralement allées de pair avec des messages idéologiques extrêmement autoritaires. Et lui, finalement, y compris dans ses triptyques, il les démonte presque au sens où il les démantibule. Mm-hmm. C'est-à-dire que les structures cassent, que la perspective fout le camp, que le sol devient glissant, et ainsi de suite. La peinture devient de plus en plus difficile, même que ça touche pas sur le même côté du système nerveux que le cinéma. Mais je pense peut-être maintenant, si je pouvais revivre ma vie, au lieu de faire la peinture, je ferais le cinéma. Même que ça ne touche pas dans le même partie que j'appelle le système nerveux, mais il y a des possibilités fantastique dans le cinéma qu'on n'a pas même pas commencé à exploiter, parce que c'est un art vraiment extraordinaire, que maintenant qu'on pouvait faire des choses tellement remarquables. On a commencé en France avec peut-être à faire des choses remarquables avec Godard et René, mais bien sûr, à ce moment, c'est un art assez primitif. Je crois avec les jeunes, peut-être la peinture va mourir. Parce que j'ai remarqué avec les jeunes, ils sont plutôt intéressés quand on parle de l'art conceptuel. Voilà, avec l'art conceptuel, il faut presque toujours faire des photos. Et je crois que ça touche sur le plus près au cinéma qu'à la peinture. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous parlons de Francis Bacon avec vous, Philippe Dagen. Il y a beaucoup de triptyques chez Bacon, c'est même une de ses marques de fabrique. C'est peut-être un rapport au cinéma aussi, parce qu'un triptyque, ça peut être vu comme une image en mouvement. Oui, dans le meilleur des cas. Sans que je puisse vous affirmer qu'il faudrait regarder la gauche vers la droite ou la droite vers la gauche. Dans l'exposition, il y a en effet un certain nombre de diptyques, il doit y en avoir une douzaine au moins, sinon davantage. Et certains sont d'une compréhension qui demeure quand même encore aujourd'hui, à mon sens, très très très hypothétique, très très délicate. Donc il y en a où pour que l'idée du dynamisme du cinéma soit peut-être encore davantage questionnée, il y a des triptyques dans lesquels il y a des différences entre le panneau latéral gauche et le panneau latéral droit, mais pas très considérables. On a plutôt le sentiment quelquefois d'une répétition d'une même image, plutôt que de quelque chose qui serait de l'ordre d'un événement qui est en train de se dérouler. Quant aux corrélations à établir entre les panneaux gauche et droit et le panneau central, c'est encore une autre histoire. Donc si vous regardez bien, vous constaterez que très souvent, l'espace n'est pas raccord. C'est-à-dire que vous auriez, si c'était un film, ce serait un montage avec entre deux plans une coupure et un collage. Donc c'est très très compliqué d'analyser un triptyque de Bacon en termes cinématographiques. Est-ce que vous diriez alors que il s'agit d'une immersion pour le spectateur, parce que quand même il y a 33 triptyques chez Bacon, oui. Donc il devait bien y avoir une intention. Je pense qu'il y a une... Non, pas d'intention. Non, je vais pas revenir sur le mot intention. Je pense qu'il y a une question de format. Faut faire très attention à ce qu'on dit. Oui, il faut être précis à nouveau. Une question de format. Les triptyques de Bacon sont des grands tableaux face auxquels qui sont, si j'ose dire, à échelle la grandeur nature. Donc, ils peuvent en effet avoir un aspect presque plus absorbant qu'immersif. Et il est, me semble-t-il, sinon agréable, du moins facile, d'avoir le sentiment qu'on tombe dans cette espèce d'espace chahuté très inconfortable qui est celui du triptyque. Donc le corps du spectateur peut au fond basculer dans cet espace pictural. Il y a peut-être aussi en effet des questions plus bassement pratiques. Son atelier était un atelier qui était relativement petit. Je crois qu'il ne pouvait même pas voir, quand il faisait des triptyques, les trois tableaux les uns à côté des autres. Peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas faire de toile plus grande. Pourtant, à un moment donné, il a quand même choisi de définir un format pour les grands tableaux et un format pour les petits qui n'a ensuite plus évolué, Philippe Dagen. Je pense que le rapport au triptyque chez Bacon est aussi quelque chose qu'on pourrait comprendre par rapport à l'histoire de la peinture. À laquelle il était tout de même assez compétent. Et plus qu'aux peintres ou aux artistes avec lesquels on le met assez facilement en rapport, on peut penser deux choses. D'une part, et là j'ai envie de vous dire, je le dis parce qu'il me l'a dit, donc j'ai pas grand mérite. J'avais été surpris par l'attention de Bacon à la peinture qu'on appelle primitive, florentine ou siennoise, dans laquelle le triptyque ou le polyptyque a des fins moins d'ailleurs narratives que proprement parler d'un symbolisme sacré, sont très importants. Par ailleurs, c'est une hypothèse, peut-être qu'elle vaut que ce qu'elle vaut, Bacon a séjourné à Berlin, en effet, à la fin des années 20, au début des années 30, et je serais enclin à me demander si le goût du triptyque chez Bacon ne pourrait pas être mis quelquefois en relation avec le goût pour le triptyque d'un peintre allemand dont il a connu l'œuvre, évidemment, qui est Max Beckmann. Et les triptyques de Max Beckmann sont assez cinématographiques, dans le sens où vous avez employé le mot tout à l'heure. Ils sont pas pour autant narratifs, et ils sont aussi de l'ordre de la chute, somme toute, que, je m'exprime mal, hein, la Sylvain, il y a le sentiment qu'on bascule la tête en avant et qu'on perd l'équilibre, que les triptyques de Beckmann. Donc, les triptyques, c'est une forme qui a une histoire et qui a une efficacité particulière. Le triptyque, vous l'avez dit à l'instant, renvoie au sacré. Oui. Les crucifixions, oui, renvoient aussi au sacré. Oui. Et pourtant, Bacon était vraiment un athée profond. Qu'est-ce que vous voyez là ? Je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être un athée profond et le fait d'être susceptible de travailler à partir d'une iconographie donc c'est chrétienne. La culture, non, c'est la culture iconographique c'est la, qui l'intéresse. Non, c'est la, mais non, c'est la question de la souffrance, la question du mal. De la Croix était parfaitement agnostique. Ça ne l'a pas empêché de peindre quelques crucifixions qui sont extrêmement douloureuses. Simplement, dans ce cas-là, la crucifixion, et après tout, que sait-on en réalité de ce que du degré de foi de Grunewald, par exemple. Peut-être, admettons qu'il ait été religieux. Peut-être n'était-il pas. Il n'en demeure pas moins que le Christ Grunewald, c'est d'abord la souffrance humaine. Et au fond, les crucifixions de Bacon, c'est aussi la souffrance humaine. Bacon parle de la souffrance humaine. Pardonnez-moi, j'essaie toujours de vous ramener à des choses un petit peu plus simples qu'elles ne sont. Est-ce qu'il parle de la souffrance humaine ? Tout le temps. D'ailleurs, ça c'est parfaitement explicite. C'est le mot que l'on cite volontiers, mais pourquoi pas, de Bacon devant l'un de ses tableaux, un de ses premiers tableaux, que quand je passe devant une boucherie, je m'étonne toujours qu'on n'y débite pas de l'homme. Mm-hmm. Bah oui, en effet, d'ailleurs, quelquefois, c'est arrivé. Oui, c'est alors là, le rapport à l'histoire qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un rapport à la souffrance. Quelle histoire infligée par universalité de coupable à une universalité de victime. Et vous dites que sa peinture, c'est hausser et abaisser la peinture au niveau d'épouvante qu'ont atteint les hommes. Oui, mais il le disait d'ailleurs là aussi lui-même, que sa peinture était infiniment moins cruelle que la réalité quotidienne. On ne sait pas, les images viennent par l'instinct, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'instinct. Avec l'instinct, par exemple, nous sommes comme les animaux, n'est-ce pas? On suit ce qu'on appelle les instincts sans savoir ce que c'est. Et c'est la même chose dans la peinture. On suit ces instincts pour faire des images, mais sans raison dans un sens. Votre style, dans un sens, est votre instinct. C'est créé par l'instinct, le style. Parce que on peut pas, c'est complètement faux d'essayer de faire un style. On fait le style, c'est quelque chose qui est complètement naturel à l'artiste, le vrai style. Parce que vous avez remarqué que dans certains peintres, cet instinct dure pour très peu de temps. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, il y a toujours évidemment cette idée que c'est l'instinct qui gouverne le peintre, mais dans le même temps, il y a aussi une grande culture de l'histoire de l'art. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours de Francis Bacon, Philippe d'Agen, redire d'abord qu'il est né dans un pays qui est davantage un pays littéraire, l'Irlande, qu'un pays de peinture, en tous les cas, me semble-t-il. Peut-être oui, n'êtes-vous pas d'accord avec ça. On peut difficilement vous donner tort. Voilà. Redire qu'il a commencé à peindre assez tard, que tout cela quand même finalement se fabrique assez lentement. Il y a le passage par les meubles, le passage par la décoration. Oui. Alors est-ce que c'est un autodidacte ? Comment est-ce qu'il intègre finalement toute cette histoire de l'art ? Autodidacte, ça dépendrait vraiment du sens que l'on donne au mot autodidacte. Les mots sont importants. Si on entend par autodidacte quelqu'un qui est passé par une école d'art, ouais, effectivement c'est un autodidacte. Si l'on entend par autodidacte quelqu'un qui n'aurait aucune culture, c'est tout le contraire. C'est un visiteur, c'est un grand visiteur de musée. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui a acquis par lui-même sa culture. Dans ce cas-là, c'est un autodidacte. C'est un autodidacte en matière artistique. Je pense que c'est aussi un autodidacte, ça comme nous le sommes tous, en matière littéraire. Et là, c'est judicieux de rappeler que Bacon lisait énormément. Et d'ailleurs, comme on l'entend dans vos extraits, il lisait en français, comme il lisait en anglais. Et c'est quelqu'un qui était par ailleurs dans un... En tout cas dans les années 50, dans un milieu artistique que j'ai tendance à penser qu'on le sous-estime en France, milieu artistique londonien de l'après-guerre, où il y a encore des gens comme Sutherland, mais où apparaissent aussi des artistes, quoi qu'ils soient devenus par la suite, comme Lucian Freud, qui, à travers Lucian Freud, c'est aussi toute une culture, et d'ailleurs aussi une culture allemande à laquelle Bacon peut entrer en contact. C'est quelqu'un qui va énormément au Louvre, c'est quelqu'un qui connaît très bien la peinture espagnole. Vous avez rappelé le fait qu'il était mort à Madrid, mais je pense que l'Espagne, pour lui, c'est au moins autant Velázquez, sur lequel il a eu des formules assez foudroyantes que les courses de taureaux. Bon, par ailleurs, comme tous les gens de sa génération, il est totalement face à une génération qui est celle de Picasso. Et ça, c'est quand même... Quand vous êtes né en 1909 et que vers 1940, vous voulez faire de la peinture, c'est quand même extrêmement ennuyeux d'avoir ce type-là qui vous bouche l'horizon, qui vous écrase, qui ne semble vous laisser aucun espace vital. Alors, il va dans les musées et il regarde les nus académiques, par exemple. Regarde aussi les photos de nus qui servaient de modèles pour les dessinateurs académiques. Et il s'aperçoit assez vite que si l'on s'en tient à la peau, on manque tout. Que c'est beaucoup plus intéressant de tordre une musculature ou même de d'écorcher un buste pour montrer le fonctionnement interne de la machine humaine. Donc il peint des écorchés alors. On est dans le domaine de la médecine presque. Non. Il peint des corps qui sont... je suis désolé, je vois bien que je vous me sentez réticent à vos formules, mais il peint des corps... Que j'ai quand même pris la plupart dans votre livre de 1987. C'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais je ne vois pas quel tort il y aurait à se contredire, ou à s'exprimer autrement. Non, je pense que les corps de Bacon écorchés ne sont pas des cadavres. Ce sont des corps vivants. Et que c'est aussi cette vie organique, sanguine, nerveuse, etc., dont il s'agit d'indiquer en tout cas la vigueur par les moyens de la peinture, qui, je le rappelle, est quand même un médium inerte. Un tableau, ça ne bouge pas, à la différence du cinéma. Il faut donc trouver des solutions qui, tout en surmontant cette difficulté, permettent de placer le spectateur face à quelque chose qui est évidemment vivant. Mais pour revenir à la médecine, par exemple, il y a dans votre monographie, au chapitre 14, intitulé « Chirurgie », tout un développement là-dessus, sur la chirurgie chez Bacon. On sait qu'il avait acheté un fameux livre sur les maladies de la bouche. Est-ce que vous diriez, comme vous l'avez dit il y a quelques décennies, qu'il procède à des opérations de toutes sortes dans sa peinture, greffe, ablation, oui, charcutage? Absolument, et je le dirais d'autant plus volontiers, rassurez-vous, qu'il y a dans certains de ses tableaux des procédés qui sont directement empruntés à l'imagerie scientifique. Quand il dessine un cercle autour d'un élément sur lequel il veut que le regard se focalise, c'est évidemment un procédé qui relève du gros plan, de l'agrandissement photographique. Quand il introduit, mais je pense que dans l'exposition, il y en a très peu, en fait, puisque c'est des choses plutôt antérieures, des flèches blanches. Il y a des petites flèches. Il y en a quelques-unes. Bon, c'est aussi un langage plastique qui est vraiment le langage de la science. Alors, c'est un effet on va beaucoup plus volontiers penser à l'anatomie ou peut-être même à la biologie qu'à d'autres sciences, mais c'est un effet, cette culture visuelle-là, qui est précipité dans ces tableaux, entre autres. Est-ce que ce rapport donc à la médecine, les petites flèches, toute cette imagerie médicale, c'est une façon de rappeler qu'on est là dans des tableaux qui paraissent fantasmagoriques, mais qui sont en réalité la réalité telle qu'elle n'est pas présentée dans la plupart des films de cinéma d'Hollywood ou des films de Leni Riefenstahl. D'Hollywood et de Riefenstahl, absolument. Oui, on peut parfaitement dire ça. C'est si vous voulez, c'est écorcher, c'est une manière au fond de retourner la peau comme un gant pour montrer ce qu'il y a dessous. C'est une opération sans doute douloureuse, mais surtout de visibilité. Je comprends pas. Pour moi, c'est tellement bête. Moi, je trouve mes tableaux très joyeux. Le contraire. Parce que, vous savez, quand on entend les grandes tragédies des Grecs ou dans les tragédies de Shakespeare, on sort heureux. C'est ça, c'est une chose qu'on n'a jamais expliqué pourquoi. C'est une façon, dans un sens, de se laver dans l'horreur. Vous savez, avec comment on dit en français, Eschyle, Sophocles et tout ça. Voilà, on sort refait un peu. Est-ce que vous avez ce même sentiment quand vous avez terminé une toile? Oh non, je peux pas parler de moi-même dans cette façon. Entretien avec Michel Lancelot qui date de 1977. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Est-ce qu'il n'y a pas de violence dans la peinture de Bacon? Est-ce que ça n'est pas une forme de coquetterie tout de même du peintre de ne pas voir que dans un certain nombre de triptyques, de crucifixions, il y a de toute évidence quelque chose qui crie, quelque chose qui hurle? Oui, c'est d'autant plus une forme de coquetterie qu'il l'a dit par ailleurs. Mais encore une fois, qu'il y ait une certaine lassitude de l'artiste par rapport au discours obligatoire qu'on lui inflige, que la critique, le commentateur lui inflige, c'est possible aussi. Et que donc, à certains moments, il veuille casser avec cela, même si c'est au mépris de la plus élémentaire vraisemblance, je pense que c'est juste un réflexe de survie. Les bouches, les dents, les cris. Oui, les bouches, les dents, les cris, les seringues, les brassards, les intubations, comment pourrait-on dire, enfin les crocs d'ailleurs, enfin tout le vocabulaire de l'abattoir, dans lequel d'ailleurs il rejoint. Et là, on revient un peu à l'héritage. Il revient à un document. Enfin, il revient aux photographies de l'abattoir, des abattoirs de la Villette, de Lothar, qui ont été publiés par la revue Document, donc en effet par ses amis Léris et Bataille. Il y a évidemment tout cela. Et d'ailleurs, quand on relit de documents, quand Document paraît, Bacon est encore un très jeune homme, à la lumière de Bacon, on trouve que Document, si j'ose dire, on comprendra ce que je veux dire, encore bien pire que ce que l'on avait en souvenir. C'est-à-dire que c'est vraiment d'une brutalité qui aujourd'hui encore, même à la lèse. D'ailleurs, l'écrivain Hervé Guibert ne s'y était pas trompé. Hervé Guibert, dont le père travaillait dans les abattoirs et qui lui avait offert la mort propagande à Francis Bacon. J'ignorais ce détail, mais ça me paraît en effet, comme vous dites, parfaitement bien vu. Mais ce n'est pas de la chair que peint Francis Bacon, encore une fois, c'est bien de la viande. Oui, alors c'est une différence. C'est quoi la différence entre la chair et la viande? La chair, c'est quand tout va bien, et la viande, quand ça commence à aller un peu moins bien et qu'on est déjà débité pour être grillé ou bouilli. Et après, c'est la charogne. Est belle et la viande. On n'est pas sûr. Oui, peut-être. Ajouter à cela que Bacon lui-même, à ma connaissance, n'avait aucune répugnance particulière pour la nourriture. Non. Et son nom, d'ailleurs, rappelle oui, assez si vous clairement. Voulez, si vous voulez. Alors, mais ça, je pense qu'il aurait préféré se réclamer d'un autre Bacon que de celui du petit déjeuner. L'abstraction, ça c'est un sujet qu'il faut aborder avec vous, Philippe Dagen, parce que tout de même, c'est quelque chose que Bacon a, semble-t-il, refusé le plus possible. Et pourtant, il y a un certain nombre de ses tableaux, pas beaucoup, mais enfin quelques-uns. Je pense notamment à celui qui s'appelle Blood Pavement, qui est un tableau qui ressemble beaucoup à un Rothko, et qui, du coup, est un tableau totalement abstrait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous dire le rapport de Bacon avec l'abstraction ? Il y a d'abord une chose claire, c'est que quand Bacon commence à être un peintre un tout petit peu reconnu, c'est-à-dire dans les années 50, la tendance dominante, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est une tendance abstraite. Donc il a aussi, je veux dire, ça en face de lui. C'est même un peu le rouleau compresseur quand même. On peut dire que c'est un rouleau compresseur. On peut le dire, ça. C'est pas dans votre livre, mais on peut le dire. On peut clairement dire que c'est un rouleau compresseur. Alors, avec cette particularité que Bacon est un Britannique, un Anglais, et que donc la situation de l'art en Grande-Bretagne n'est jamais totalement identique à celle du reste du continent, ni même des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'un peu à côté et qui ménage, au fond, paradoxalement, un espace de liberté dans lequel on peut être un peintre britannique contemporain figuratif en 1960. Alors que en France, par exemple, le rouleau compresseur, comme vous le dites si bien, à mon sens, ne laisse guère de possibilités de ce côté-là. Mmh. Par ailleurs, Bacon a eu par moments des curiosités réelles pour l'abstraction, à tel point que, c'est du moins ce qu'il a raconté à Sylvester, il a acheté une encre d'Henri Michaud, donc d'un poète. Et là, on rejoindrait aussi, par un autre biais, le rapport de Bacon et à la poésie et au surréalisme. Il l'a eu chez lui un certain temps, et puis, ayant eu le sentiment qu'il l'avait visuellement, et je suppose psychiquement, épuisé, il l'a revendu, ou il l'a donné. Donc, l'abstraction, c'est à la fois ce contre quoi il se cogne, et ce par rapport à quoi il est contraint de se situer. Mais ce qu'il peut reprocher à l'abstraction, c'est justement la sortie totale de l'histoire. Alors que, si on en croit le Philippe Dagen de 96, Bacon, c'est précisément le rapport tout de même à l'histoire. Ou en tout cas, le bain dans l'histoire. Oui, à cette réserve près, que c'est, je pense, ce que Bacon connaît de l'abstraction. Dans les années 50 ou dans les années 60, d'abstraction américaine en particulier, qui n'est pas ce que nous en connaissons aujourd'hui. Par exemple, je pense qu'il connaît quasiment pas l'œuvre de Barnett Newman, et que de l'œuvre de Rothko, que vous avez à juste titre évoqué, mais pour des tableaux beaucoup plus tardifs, il n'a pas véritablement de connaissances avant le début des années 60. Donc, l'abstraction qu'il a en face de lui, c'est l'abstraction gestuelle. C'est l'informel, et si j'ose dire, ça peut être un peu méchant, mais c'est un peu l'informel à la française. Et ça, donc, il en voit assez vite. C'est quoi un informel à la française? L'informel à la française, c'est une peinture qui se prétend agitée, expressionniste, et qui, généralement, reste de bon goût, sans remettre grand-chose en cause. J'essaie à faire les portraits, parce que c'est la chose la plus difficile à faire maintenant dans la peinture. Parce que c'est pas tellement difficile à faire en illustration de quelqu'un, mais vraiment faire... le portrait de quelqu'un, de faire les traits qui ne soient pas des illustrations complètement, est horriblement difficile. Bien sûr, on n'a pas réussi à faire ça, mais peut-être quelqu'un va arriver à faire des grands portraits dans notre époque. Compagnie des œuvres sur France Culture. Les portraits, il y en a beaucoup hein, chez Bacon, c'est souvent des portraits de ses amis, oui, de ses proches, de ses amants. Des autoportraits également. Des autoportraits. Des portraits de femmes comme Isabelle Wilfong, avec laquelle il a eu des relations amicales extrêmement étroites. Il y a 20 portraits quasiment, je crois, d'Isabelle Wilfong. Oui, ben, Isabelle Wilfong, c'est quelqu'un qui quand même pouvait, là pour le coup, l'intéresser de multiples manières. Elle avait posé pour Giacometti, elle avait posé pour Derain, elle avait posé pour Picasso. Donc c'était aussi quelqu'un, si vous voulez, qui était une espèce de, à elle seule, un vecteur de transmission vers Bacon d'une certaine histoire qui était précisément, d'ailleurs, une histoire du portrait, puisque c'est aussi elle a posé pour des têtes de Giacometti. Donc oui, c'était la muse de l'art moderne à la fois à Paris et à Londres. C'est l'une des muses de l'art moderne à la période des années 30, oui. Mais les portraits de Michel Léris, c'est quand même, c'est absurde de dire ça. Enfin, si vous voulez, il se trouve que j'ai rencontré une fois dans ma vie Michel Léris, tout à fait à la fin de sa vie, et j'avais d'abord été tétanisé de timidité, juste même pas capable de lui dire bonjour, ce qui était un peu idiot de ma part. Mais surtout, je me souviens très bien d'une chose, c'est qu'on avait le sentiment de cette espèce d'énorme tête. Hein, il était petit, Léris, qui donnait le sentiment d'une terrible fragilité, on avait le sentiment d'une sorte de coquille que la force intérieure qu'on imaginait enclose là-dedans allait fracasser. Et ça que j'ai ressenti sur le champ, si vous voulez, je ne l'ai retrouvé dans les portraits de Léris que dans ceux de Bacon. C'est-à-dire que c'est pas tellement la question que ce soit physionomiquement vrai, même si globalement c'est reconnaît. Oui, ouais. on reconnaît. Mais ce qu'on reconnaît surtout, c'est que de surcroît, c'est le Léris des années 70-80 que Bacon. C'était véritablement une tête. C'était une tête de mort. Et ça, c'est dans les Bacon. Donc le modèle chez Bacon s'efface. D'ailleurs, il y a souvent des trous dans les visages. C'est le modèle. Pour le coup, on pourrait dire que c'est le modèle intérieur. Ce qu'il applique d'ailleurs lui-même à ses propres autoportraits, dans lesquels par moment il décide de se passer d'un certain nombre d'éléments de sa physionomie, alors que dans d'autres, la mâchoire devient quasiment celle d'un animal style hyène ou babouin ou quelque chose comme ça. Alors ça, justement, c'est intéressant, Philippe Dagen, parce que il paraît qu'il peignait à partir de photographies, oui, de modèles, et aussi de photographies d'animaux. Absolument. Et donc, il mélangeait les deux. Oui. On a récupéré dans cette sédimentation de photographies à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, des singes, des rhinocéros. Des photos de singes, de rhinocéros, de chevaux, des études d'après le mouvement de Muybridge, des choses comme ça. Oui, il y a une inscription de l'animalité, mais dans la mesure où l'animalité et l'humanité, ben, somme toute, ça se côtoie de tellement près que, il est difficile quelquefois de savoir véritablement s'il est en présence d'un animal humanisé ou d'un humain animalisé. Alors il y a aussi des papes. Il a bien aimé peindre des papes. La religion, tout d'un coup, revient par la fenêtre quand même. Oui, là votre transition est quand même brutale. En parlant des hybrides d'animaux, je ne pensais pas nécessairement aux papes. Non, je n'ai pas dit que vous pensiez du tout à ça. En effet, c'est une transition. Transition, oui. Non, je pense qu'il pense plutôt beaucoup plus à Velázquez, pour le coup. Et ce que l'on a entendu... À Innocent X. Oui. Ce qu'on a entendu dire à propos du portrait, et dire qu'il n'y a pas de portrait contemporain... Et il a évidemment l'élégance de ne pas y inclure les siens. C'est aussi par rapport à Velázquez. Pour lui, on l'a entendu souvent, Velázquez est dans l'histoire de l'art celui qui a, enfin, l'un des très rares à avoir véritablement peint des portraits dans lesquels il y a cette ressemblance. Enfin, pour autant qu'on puisse en juger, c'est-à-dire au fond très mal, cette supposée ressemblance physionomique que nous ne connaissons que d'après les tableaux eux-mêmes, donc c'est une tautologie, la présence, pensez aux nains, pensez aux infants, enfin, c'est précisément cette présence intérieure de tout ce que l'on peut supposer habiter ces personnes, de souffrance, de sentiments de leur étrangeté, d'oppression dans un système social extrêmement rigide, et ainsi de suite. Est-ce que le pape, c'est pas aussi il papa? Le père, et là je déborde un peu du côté de la psychanalyse, je ne sais pas si vous avez entendu l'émission d'hier à caractère biographique, mais enfin, les rapports de Bacon et de son père, comme vous le savez, étaient très compliqués. Oui, je pense que grosso modo, le pape est au fond tout simplement une incarnation commode et picturalement immédiatement identifiable des rapports d'autorité à l'autorité. On a souvent remarqué que les premiers papes de Bacon sont dans une cage, ce qui évidemment a été immédiatement rapporté aux photographies diffusées des comparutions des dignitaires nazis ou du procès Eichmann. On sait que Bacon avait conservé des photographies, en particulier de Goebbels et de Göring, qu'il a souvent regardé pour chercher des images des archétypes du pouvoir dans sa nudité la plus atroce. D'ailleurs, il n'y avait pas que des photos de dignitaires nazis dans son répertoire des figures d'autorité. Hein. Il y avait aussi des chefs d'État qui n'apparaissent pas aujourd'hui comme ayant été totalitaires. Donc il y a de la politique là qui émerge un petit peu. Plus probablement une sorte de défiance absolue à l'égard de la politique comme exercice d'une autorité rapidement sans limite d'un individu sur d'autres individus. Autre chose à propos du chaos, je peux utiliser la poussière. J'ai utilisé celle de l'atelier en peignant les dunes de sable que j'avais vues en Bretagne. C'est toute une affaire de ramasser la poussière du sol, mais il y en a des quantités ici, comme vous le voyez, collées aux images et autres choses. J'ai donc tout simplement pris la poussière et un chiffon pour la mettre dans la peinture fraîche, et après séchage, j'ai fixé cela comme un pastel. Et cet ancien tableau à la Tate Gallery, où le costume d'Eric Hall paraît immaculé, est peint avec de la poussière. En fait, il n'y a pas de peinture du tout dans le costume, à part un très léger lavis gris, sur lequel j'ai mis de la poussière du plancher. Eh bien, la poussière semble éternelle, la seule chose qui dure toujours. Et l'une des choses que j'ai notées, et que j'ai été très content de constater, c'est qu'on dirait qu'elle n'a pas changé du tout. Elle a l'air aussi fraîche que quand je l'ai mise il y a 40 ans. Le seul ennui que j'ai ici avec la poussière, c'est que, comme j'utilise souvent le pastel, une grande partie de la poussière est colorée. Mais la poussière pure est la couleur idéale pour un costume gris. C'est vraiment une sorte de pastel, mais sans doute plus durable que le pastel. Je n'en sais rien, peut-être pas plus durable, je ne connais rien à la durabilité des choses. Mais ça s'est passé comme ça parce que je me suis dit, comment est-ce que je vais rendre le côté légèrement fourrure d'un costume de flanelle? Et tout à coup, je me suis dit, je vais prendre de la poussière. Et vous pouvez voir à quel point c'est proche d'un costume de flanelle grise correct. Extrait des entretiens de Bacon avec David Sylvester, lu par Eric Herson, Marc Harel. On sent un très grand plaisir, presque une volupté de Bacon à parler de cette poussière qui l'utilise. Vous, ça vous fait plutôt rire cette lecture? Moi, j'ai toujours un immense plaisir à entendre le discours de Bacon, parce que oui, il y a une forme d'ironie au 3 ou 4e degré, parce qu'il dit ça. Bon, d'abord, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait réellement un costume qui soit entièrement peint avec de la poussière, même si son atelier était très sale. Soit. Mais d'autre part, il vous présente ça comme une sorte de... Somme toute, il voulait peindre un costume, il a regardé autour de lui et il s'est dit, ben voilà, la poussière. Ça vous paraît pas possible? Ben, c'est-à-dire que c'est possible, mais ça serait... un peu mieux argumenté s'il mentionnait dans la phrase suivante que il sait évidemment que Picasso et Braque ont peint avec de la poussière, avec du plâtre, mm-hmm. avec de la cendre, avec du sable. Donc je trouve toujours absolument, j'allais dire délectable, cette manière de raconter une histoire en gardant que ce qui va produire l'effet que vous disiez, c'est-à-dire qu'en effet, on écoute cela comme une magnifique légende. Et moi comme les autres. Ne nous ôtez pas la légende. Mais voilà, je me fais immédiatement le reproche de vous ôter la part légendaire de ce propos, mais qui reste délicieux. Est-ce que Bacon aimait sa propre peinture, selon vous? J'ai envie de vous dire, quel peintre aime, quel peintre, enfin quel grand peintre, quel peintre profond aime véritablement sa peinture. Je pense que Bacon, comme les grands artistes, avait une conscience beaucoup plus aiguë que nous ne l'avons souvent de ce qui manquait à son œuvre. Car s'il n'en avait pas eu la conscience, son œuvre n'aurait pas manifesté dans le temps de tels changements, de telles évolutions. Un Bacon de 1980, c'est pas fait du tout comme un Bacon de 1960, et à plus forte raison de 1950. Donc il y a une insatisfaction permanente. Et nous, nous sommes devant des Bacon et nous trouvons ça évidemment bouleversant, mais nous ne sommes pas Bacon pour en juger. Merci beaucoup Philippe Dagen. Je signale que vous publiez dans quelques jours, le 24 octobre exactement, un essai aux éditions Gallimard intitulé « Primitivisme, une invention moderne ». Tout de suite, c'est le moment de la chronique. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui nous est aujourd'hui proposée par Georges Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris dans le 20e arrondissement, librairie qui fait partie du réseau Librest. Bonjour Georges Marc. Bonjour Mathieu. Cette semaine, vous nous présentez le dernier livre de Laurent Binet, Civilisation avec un Z chez Grasset. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mathieu, avoir lu déjà de Laurent Binet HHH, qui était un livre stupéfiant sur Erdrich, hein, le cerveau d'Hitler, ou bien encore le moins bien étonnant, septième fonction du langage, un espèce de néo-polar sur la mort de Roland Barthes. Enfin bref, là, Binet nous revient avec un livre étonnant et irritant parfois, comme peut l'être son auteur, parce que son érudition est telle que il a une facilité à nous embarquer dans ces histoires qui, des fois, nous laissent un peu à côté. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans Civilisation, il revient nous parler d'une histoire assez étonnante où il imagine que les Espagnols arrivant en Amérique n'arrivent pas à détruire les Incas et bien au contraire se font complètement attraper par eux, par ces Incas, car ils arrivent à résister au plus dangereux, on va dire, la plus dangereuse des armes de ces Espagnols, la grippe. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce livre que visiblement vous avez bien aimé ? Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que cette aventure rocambolesque que nous raconte Binet nous amène sur les traces de Atahualpa, qui est un des frères, il y avait deux frères on va dire chez les Incas, enfin, c'est ce que nous raconte Binet, qui se faisait la guerre, et quand arrivent les Espagnols, l'un des frères Atahualpa profite justement de la défaite des Espagnols pour embarquer sur un bateau, prendre les cartes de ces Espagnols et débarquer en Europe pour essayer eh bien finalement de voir s'il peut pas faire son territoire là-bas en Europe. Évidemment, ça marche du feu de Dieu. Atahualpa découvre l'Europe du 16e, hein, une Europe complètement en prise avec les guerres de religion, une Espagne qui a mis de côté tous les juifs et les morts en essayant avec l'Inquisition d'imposer un régime très dur. Atahualpa, quand il voit ça, finalement arrive avec son regard inca à reprendre à prendre le pouvoir et à donner justement la place au peuple, celle qu'il attendait. Alors, pour quelle raison exactement part-il en Europe ? Ben, il part en Europe pour fuir son frère. Son frère qui se faisait la guerre pour le territoire, et il était à Atahualpa poursuivi par ce frère et il n'arrivait pas à lui échapper. Donc il profite justement de cette escapade espagnole pour profiter de ses bateaux. Et l'intérêt, c'est que du coup, ce frère Atahualpa va reprendre contact avec son frère Inca, et ils vont faire des échanges commerciaux parce que les Incas de l'époque étaient très riches. Et l'Europe du 16e n'avait qu'une seule un seul objectif, la richesse. Et grâce à l'or Inca et à l'argent Inca, ben, Atahualpa prend le pouvoir en Europe. Donc un livre passionnant et que vous nous conseillez, Georges Marc. Mais plutôt deux fois qu'une. Civilisation de Laurent Binet est publié par les éditions Grasset. Merci beaucoup Georges Marc Habib. Rendez-vous donc à la librairie L'Atelier du lundi au dimanche matin où vous vous trouvez ou alors sur librest.com. Merci. La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Valentin Bobinet. Demain, suite de notre série consacrée à Francis Bacon, avec la visite de l'exposition actuellement visible au Centre Pompidou à Paris. Nous serons avec son commissaire Didier Ottinger, ainsi qu'avec l'écrivain Yannick Hennel. Ce soir, le feuilleton, c'est le Père Goriot de Balzac. Ne manquez pas l'épisode intitulé « L'arrestation ».